Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Allez, je préviens. Une chose. Ouais, celui qui s'amuse à balancer des conneries en remix derrière, il va virer. Quel est le... vous arrêtez, s'il vous plaît. Les débats de Gérard. Et voilà, bonsoir à tous. Bonsoir Rigaud. Bonsoir Gérard, meilleur bonsoir à toi, tous. Vu qu'on s'était pas vu. Merci. Anka, bonsoir. Bonsoir Gérard. C'est le débat du millénaire, du premier. Vrai, le premier. Donc il faut saluer ça quand même. Bonsoir Gérard. Salut GG. À toi. Merci de tes conneries. Donc bonsoir Anka. Bonsoir Gérard. Bonsoir Manu. Salut mon pote. Et bonsoir Fildar. Salut. Et pour ça, on va accueillir tout de suite. Donc, c'est un débat sur les relations amoureuses. Donc, il est 1h09. Donc, on va durer jusqu'à 3h du matin, hein, comme Max vous l'a annoncé. Donc, docteur Rutabaga, là, je sais pas quoi. Oui, bonsoir, tout à fait, Gérard, bonsoir. Donc, 30 ans de Bordeaux. Oui, tout à fait, 113.3, bonsoir tout le monde, bonsoir. Ah, 113.3, pas 100 points... Pardon, excuse-moi, j'ai mal entendu au standard. Bonsoir à toi, bonne année. Bonne année à toi, bonne santé, tout ça. Bah, je te remercie. Juliette, 25 ans de Tours, oui, 102.8, bonsoir. Bonsoir, bonne année tout le monde. Bonne année. Bonne année, Juliette. Merci. Et... Riton le Routard, 38 ans, Paris, 101.9. Salut Gérard, c'est Riton le Routard, je te souhaite une bonne année. De même. Riton. J'appelle de l'île Saint-Michel. Bonsoir. Bonne année Riton. Bonne année. Salut Riton. Et pour terminer, Roméo, 26 ans, Toulouse, 92 FM. Bonsoir Gérard, bonne année tout le monde, bonne année. Bonne année. Formidable. Voilà, donc maintenant je veux maintenant qu'on a tous souhaité ses vœux, les prochaines pourront le faire, mais pas sans 7 ans. Donc alors première question. Donc c'est un débat sur les relations amoureuses, donc j'avais dit. Avez-vous déjà eu une relation amoureuse? Si oui, combien ou depuis quand? Donc on va demander à Juliette. Ah, c'est compliqué ta question. Non, mais c'est avez-vous déjà, la question, c'est pas ça. C'est avez-vous déjà eu une relation amoureuse? Si oui, depuis quand? Eh ben. Et où, non? Non. Si, où? Non, non. Avez-vous déjà eu une relation amoureuse? Si oui, depuis quand? D'accord. Avec qui? Bah oui, j'en ai eu même plusieurs. Et depuis mes 17 ans. Ah, tu veux savoir d'autres trucs? Bah ouais. Avec qui? Bah avec qui, pour l'instant, tu la laisses parler un peu quand même? Bah avec qui, ça. Bah des mecs, quoi, ça regarde personne. Ok. Et ça a duré combien de temps? Entre un an et 6 ans. Ah d'accord. Roméo? Roméo! Ouais, je suis là, Un chat. Bah écoute, moi j'ai une relation amoureuse, j'ai 24 ans. Ça fait 14 ans que ça dure. Ah, t'as 24 ans alors que sur ma fiche, c'est marqué 26 ans. J'entendais très très mal au standard. Ah, bah oui, mais c'est... Alors, Manu. Ça commence. Manu. Je te présente toutes mes condoléances. Un conseil que je te donne, tu vas pas commencer le premier débat de l'année 2001 en faisant des conneries. Non, mais je te jure, j'entendais super mal. On a encore des problèmes ce soir. Ouais, c'est ça. Oui, en plus, on est en train de régler le son des micros, donc des fois, il risque d'y avoir des petites pintes. T'aurais pas pris un peu des phalanges, Manu? Je me tâte. Roméo. Donc oui, j'ai une relation amoureuse. Elle a duré 14 ans. Avec ma main droite. Et j'aime beaucoup. Allez, bonne nuit. Justement, sur l'IRC où on est 8743 quand même déjà. Ouais, non mais attends. C'est pas possible. Ah, si, je te jure. Comment il fait? Il y a. Je coupe 5 minutes, Rigaud. Je te signale, Fildar. Oui. Que entre minuit et 1h, on était déjà un peu plus de 7000. Hein. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Bravo. J'avais oublié. Donc, il y avait une question de Judge de Lyon pour répondre à l'auditeur un petit peu, aller dans le même sens. Il voulait savoir s'il faut être obligatoirement deux pour avoir une relation amoureuse. Bah, en principe, oui. Bonne question, hein. Y en a qui font l'aveu-poignet comme Roméo. Bah ouais. Ah, y a aussi les mégalomanes, regarde, moi je me kiffe. Ouais, mais toi. Je suis drôle, je suis beau. Roméo, je t'ai dit au revoir, hein, je crois. Non, il est parti, Roméo. Alors, t'as qui à la place en espérant que tu vas pas me reprendre. Non. Taki Waki. Non, j'ai Casanova. Voilà, c'est. Oui. Oui, allô? Ouais. Oui, bonsoir Paris, bonsoir Jérémy Le Messier. Bonsoir Gérard, bonne année. Pas lui. Ah, ok. Ouais, je sens que je vais pas rester. Ouais, ouais j'ai l'impression. T'as des bonnes voyances, toi. T'es bien, là. Là. Bon, vas-y, est-ce que tu peux me répéter la question? Bonne année. Bon, alors, hop. Ah, allez, j'étais au standard, allez, j'étais au standard. Non, non, non, non, non, non, non, terminé. Bonne année à toi. Allez, hop. Je préviens tout de suite. Je l'ai niqué. Non, non, mais Manu. Devant ton micro, Gérard. Manu, je préviens. Manu. Ouais, ouais, j'ai. Et Anka. Anka, c'est pour toi aussi. Oui. C'est pas parce que là, je suis en train déjà de me poser. Non. Mais je suis déjà en train de me poser les questions. Une question. C'est qu'est-ce que t'es en train de faire depuis 3 minutes qu'on a pris l'antenne? Bonne question. Et ouais. Je te regarde. C'est vrai. Eh ouais, mais alors là, je vais te dire une chose. Non, je récupère. Anka. J'étais ému par Anka. Ce que t'as dit. Anka, tu fais une chose, tu poses ton micro, t'éteins ton téléphone et tu bosses. Tu éteins ton stylo. Fais quoi du stylo? Tu éteins ton micro. J'éteins le stylo. Attends, voilà. Tu fermes ton stylo devant et le micro. Tu sors et tu sors. Non. Je ne peux pas travailler comme ça. Donc Anka, au revoir. Pour l'instant, tu ne fais rien. Tu sors. Attends, on vient de commencer. Non, mais c'est terminé. On peut pas faire un débat sur les relations hommes-femmes sans une femme dans le studio. Non, mais moi je vais te dire une chose. C'est moi qui commande le jeudi. À moins que tu fasses la femme. Pour l'instant, tu ne fais rien. Tu es en train de faire ça avec ton stylo à le tourner comme Phil Larry fait. Donc tu sors. Tu sors. C'est terminé. C'est normal. Le comprendre. Terminé. Dis-moi, c'est terminé. C'est clair, net, précis. C'est terminé, tu sors, terminé. Hop. Item bien. Voilà, c'est terminé. Terminé. C'est tout. Meilleur vœu. C'est tout, c'est terminé. Voilà, c'était court. Hein. C'est terminé maintenant. Le jeudi, tu comprendras une chose. C'était bon. Qu'il faut pas laisser Manu le faire tout seul. Voilà. Donc maintenant, tu sors et je veux plus te voir dans les studios. C'est terminé. Voilà. Tu peux aller pogner qui tu sais. Gérard, pour réagir. Mais tu fais pas le con derrière moi. Tu sors. Tu sors tout de suite. Allez. Tu sors. Est-ce que je peux juste poser? Tu sors. On va RTT. Tu sors. Tu prends RTT. Allez hop. Hop. Terminé. RTT de débat. Ouais, donc je disais RTT, pour réagir tout de suite sur le débat parce qu'on va peut-être revenir dedans. Très bon débat qui s'annonce bien d'ailleurs. Il y a un Raynor sur l'IRC comme on parlait d'être plusieurs pour une relation amoureuse. Il voulait savoir si cette autre personne pouvait être un animal comme un peu pour toi. Je sais pas pourquoi. Non mais ça on va pas parler des personnes qui sont absentes et c'est tout. Donc on parle pas des animaux, c'est ça? Non. Ça, c'est une question que je n'aborderai pas lors du débat. D'accord. Donc, on était à combien que tu m'as dit? 8000? Là, on est... Oh, on a monté, 4, là. On est 9011. Okay. Donc, Manu, il est en train de nous chercher un auditeur maintenant qu'il est tout seul au standard, mais je suis désolé pour les auditeurs. Pas grave. Donc, voilà. Alors, Riton le routard. Ouais, tout à fait. Bonsoir Gérard, je te souhaite encore une bonne année. Non mais ça y est, on a compris. D'accord. Donc moi, tu sais, mais la relation amoureuse, je suis marié depuis 20 ans à Jocelyne, une charmante petite bourgeoise. Non mais ça, on s'en fout. D'accord. Donc, t'as pas besoin de citer son nom de famille, d'accord. Tu veux savoir où est-ce que je la rencontrerai? Non. C'est avez-vous déjà eu une relation amoureuse? Si oui, depuis quand? C'est tout. Bah, c'est ce que je te disais. Non, mais tu réponds correctement à la question, c'est tout. On s'en fout de depuis combien de temps que t'es marié et ceci, cela, d'accord? Ok, très bien. Bah, moi, j'ai une relation amoureuse, donc je te disais avec Jocelyne. Je t'ai dit de pas donner son nom de famille, s'il te plaît. Non, c'est pas son nom de famille, c'est un prénom, hein, c'est le nom d'une violette. Ouais, Jocelyne, c'est le nom d'une violette. Tout à fait, dans le langage de fleurs, ça veut dire sodomie. Hein. Ouais, c'est ça. T'as envie de répondre correctement? Je réponds à ta question. Bon, je te disais que moi, ma femme, je l'aime, je la chéris. Moi, c'est pas très facile parce que je suis un peu dans la route, si tu veux. D'ailleurs, ça m'a touché ton speech tout à l'heure sur la route. Et je voulais te demander quand est-ce que tu reprends la route? Parce que, est-ce que le macadam ne te manque pas, Gérard? Est-ce que le macadam est pour toi un manque? C'est beau. Tu veux dire quoi par ça? Je veux dire que la route a besoin de toi, Gérard, de gens comme toi. Et est-ce que tu vas de nouveau redevenir un mac? Voilà. C'est ça qu'il veut. Ça. Voilà. Non, je peux te dire tout de suite que malheureusement, je ne reprendrai pas la route. Ah, c'est dommage. c'est ballot. Hein. Même pour partir de la radio. Un fil d'art, tes ouais, conneries. Bon, c'est léger. Bon, bah. Tes conneries, je m'en fous. C'est subtil. On est soft. D'accord. Docteur. Ah, il y a Manu qui veut intervenir. Rutabucha. Ah. Ouais, mais. Rutabucha. Non, mais vas-y, Manu, je t'en prie. Hein. Rutabucha, j'ai dit. Non, Rutabaga. Rutabaga. Bah écoute, moi j'ai eu moult relations quand même dans le passé. Allô. Moult frites. Tout à fait. Depuis quel âge depuis ma prime enfance, hein, quand même. Mm-hmm. Quant à savoir combien de temps elles ont duré. Je sais pas. 3-4 minutes. Non, je fais des coïdes de quand même au moins une demi-heure. Quand même. Ah, c'est bien. Quand même. Mm-hmm. On se respecte, quoi, tu vois. Il y a toute une technique en plus. Non, mais on parle de relations amoureuses, on parle pas de relations sexuelles. Hein. Ah, bah, ça va dériver. Ça rentre dedans, c'est le cas de le dire, tu vois. Ah oui. Mais c'est la même chose, non? Ah non, Gérard, explique. Non, je pense pas. Hein. C'est sûr. Bah, attends, si, pour moi, c'est la même chose. Ouais, bah, si. Amoureuse. Ouais, bah, si tu veux. Manu. Ok. Oui, non, mais c'est pas la vraie, la même chose. Non, mais on va accueillir un. Je voulais accueillir un nouvel auditeur, Denis Lamalice. Bonsoir. Salut. Denis. Salut, Gérard. Salut Denis. Bonsoir. Salut, bonsoir Denis. Tout le monde. Bonne c'est Denis. Bonne année, bonne Denis. Année Denis. Bonne année Gérard, bonne année les auditeurs, bonne année tout le monde. T'appelles-nous ? J'appelle de Paris. T'as eu quoi Noël ? Ouais, c'est bon. Bon alors, tu réponds à la question ? Ah, bah, j'ai pas entendu, j'étais au standard Gérard. Bon, Manu. Est-ce que t'as des relations ? Je peux pas répéter tout le temps là. Manu ! Manu ! Attends, il bosse. S'il vous plaît. Que tu me fais le plaisir que quand je pose la question que les auditeurs. Le seul problème GG c'est que ta question je la connais pas non plus donc. Non mais je peux quand pas je trop la pose, répéter si tu veux. Quand je la pose quand t'as un auditeur tu l'entends d'une oreille quand tu prends le téléphone d'accord. Donc tu ouais, le t'en as deux. Ouais. Et ouais. T'as deux oreilles que moi. D'accord. Lui, même avec deux il arrive pas à entendre. Alors, alors dernière fois que je répète la question parce que je veux pas commencer à m'endormir il y en a 12 à faire. Hein. Et on finit à 3h du matin. Oh ta gueule. Calme. Tranquille. D'accord, Denis Lamalice. Allez, oui. Je te répète la question pour toi, espèce d'andouille. Je suis pas une andouille, je suis une malice. Avez-vous déjà eu une relation amoureuse? Si oui, de. Si oui, combien de. Si oui, combien. Si oui. Non, mais vos primaires, on parle mieux que toi. Bon, et toi, si t'es pas content, espèce de petit con, tu vas te faire foutre, d'accord? Non, mais je rigole. Mmh. Avez-vous déjà eu une relation amoureuse? Si oui, depuis combien de temps? Ah ben moi, en fait, je voulais participer à ce débat parce que j'ai pas vraiment d'expérience dans l'amour. Et donc, j'ai jamais eu de relation amoureuse. Oh là là là là. Attends, il veut apprendre. Il veut des conseils. Hé, t'as quel âge? 9 ans et demi. Hein? 9 ans et demi. Et j'ai bientôt 10 ans. J'ai dans mon micro. J'ai rien fait. T'as déjà tâté de la tâche à traser quand même. Quand même. Denis. T'as dégoûté de la chagate ou pas? Gérard, il a 9 ans et demi, on fait quoi là? Ouais. Dehors. Bah, attends, dehors. Mais non, dehors. Dehors. Mais pas le revolver, il a 9 ans et demi. Faut bien l'éduquer, Gérard. Faut bien l'éduquer, ce petit. Dehors. Pas les enfants, Gérard. C'est bon, il est parti. Fais-nous un sondage là. Non, non, hop, deuxième, parce que vous commencez à me gonfler. Et toi, Fielder, tu vas pas me couper mon micro sans arrêt. Sinon, je vais t'éclater ta gueule. Mais je te dis qu'il y a des problèmes c'est de son. Non, c'est le premier débat de l'année, tu vas pas me faire chier. Il va te faire le coup de la corde à linge. D'accord. Toi, tu fermes ta gueule derrière. D'accord. Pensez-vous que c'est une honte, idée d'avoir... Non, mais ça... Vas-y, je vais répondre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pensez-vous qu'on peut... Non, mais c'est nul, ça. Mais elles sont bien, les questions. Tu vas où, toi? T'as vu combien de temps qu'a duré ta question? Vas-y. Putain. Je vais pas m'éterniser jusqu'à 2h du matin. Mais vas-y. Pensez-vous que c'est une bonne idée d'avoir une relation amoureuse au boulot, alors que c'était plus facile pour moi de dire, pensez-vous que l'on peut avoir une relation amoureuse sur le net? Espèce de con. D'accord. Mais je l'ai mis après sur Gérard, le net. Gérard, de toute façon, tous les gens ont un travail à peu près, sauf certains. Et c'est plus intéressant de poser cette question par rapport au boulot, quoi. Putain, c'est quoi ces questions de merde? Le net, c'est après. Non, c'est moi qui pose mes questions, c'est pas toi qui me les modifie. Moi, je me sens bien parti ce soir. Je pense que... Putain, c'est pas vrai. Ah, on est bien là. On est bien. L'autre, elle est enceinte, ta question sur Nanette, espèce de con. On va pas commencer. C'est moi qui commande. Et on va pas faire le. C'est moi qui commande. Une bonne entame de débat comme on les aime. Attends, l'autre, vas-y. Regarde ça. C'est commencé comme ça, l'autre, regarde. Attends, qu'est-ce que tu voulais faire, toi? Moi, je voulais faire ça. Sans crier, je suis à côté de toi. Je voulais faire ça, ça, ça. Et l'autre, il me modifie toutes les questions. Ça va, pourquoi? Mais le net, on parle pas du net en deuxième question. On va peut-être parler déjà de la relation. Avec Manu, c'était prévu qu'on fasse ça. Mais Manu, en fait, après, on en a discuté, on a voulu inverser. Le truc, c'est que les questions, elles sont bonnes, mais elles sont pas dans le bon ordre. Mais non. Qu'est-ce qu'il dit? Mais non. Pensez-vous? Pensez-vous que c'est une bonne idée d'avoir une relation amoureuse au boulot, sur un plateau de tournage ou autre? Et ça, c'est une question qu'on pose bien après. Ben non, mais justement, on la pose maintenant. Ouais. Oh là c'est là, quand là, même mieux de la poser maintenant. Putain, moi, je pose dans l'assemblée là. Mais en plus, c'est bien là. Non, mais moi, je veux pas faire des questions de merde si. Ça m'intéresse pas. Non, mais moi, je vais continuer ces questions de merde et mais puis non c'est tout. Mais t'as dit oui tout à l'heure quand on les a fait ensemble. Non. Vous avez fait ensemble. Non, attends. Je pensais pas que t'allais me faire ça maintenant. Tu mets le net avant. Ça fait une heure. Mais non. Le 3, c'est pensez-vous avoir une relation. Pensez-vous que c'est une relation amoureuse? Donc, c'est ce qu'on avait parlé, donc au boulot. Ça se vient un peu et tout. Non, mais c'est les mêmes questions, c'est juste que c'est pas le, ouais, non, le mais même non, ordre. Mais moi, sauf que c'est tourné différemment, mais ça veut dire. Après, il m'a tout modifié, il met n'importe l'ordre, quoi. Il a changé l'ordre. Faut-il avoir de l'argent pour avoir une bonne relation amoureuse? Alors, ça, tu te la cardes dans le cul. Pensez-vous que l'on peut avoir plusieurs relations amoureuses en même temps? C'est bien ça. À la suite. Ah, c'est bien. On verra hors antenne ça, on va gérer notre truc. Il faudra peut-être faire le débat là, Gérard. On est en plein débat. Non. Mais alors lui, quand il trafique mes trucs, ça va pas moi. Maintenant, c'est moi qui vais faire mes questions et tu feras plus rien sur le net et c'est tout. Hop, maintenant je fais mes questions que j'ai posées. Approche le micro. Et c'est tout. Non, mais tu fais ça, tu les mets là, voilà. Voilà. Maintenant, c'est moi qui pose mes questions, c'est terminé. C'est très bien, vas-y. Hop. Alors, avant de repartir dans le débat, excuse-moi, j'ai une suggestion, une question qui est quand même importante. C'est Jean-Louis Demis sur l'IRC, il dirait que tu pourrais quand même donner, avant de repartir, une définition de ce qu'est l'amour pour toi. Alors, ce qu'est l'amour pour moi, c'est déjà avoir... toi, tu commences pas à rigoler derrière, parce que sinon, je vais te dire bonne nuit, ça va aller vite ce soir, hein. Parce que vous n'avez pas commencé à me prendre la tête. Cool. Hein? Donc une relation amoureuse, déjà, pour avoir une bonne relation amoureuse, faut être deux. Donc faut avoir une personne avec soi. Mm-hmm. C'est-à-dire une homme, copine. Femme, Une femme, en principe. Hein. Parce qu'entre deux hommes, il y en a qui le font, mais entre deux hommes, ça se fait pas. Bah si, ça se fait, vu qu'il y en a ouais, qui mais, le font. Ouais, mais ça, c'est de l'homosexualité. Et... Bon, donc voilà. Surtout ici. Hein. Garde ça pour toi. Donc pensez-vous qu'on peut. T'as pas donné de réponse, Gérard. Bah si. Ah. Si, il faut être deux. Ah, faut être deux, d'accord. Donc c'est ça, pour l'amour, c'est être deux. Deux ou plus. Simplement. Voilà. C'est un amour à trois, à quatre. Non, mais ça. Bah si, il y a des gens qui le font, ça aussi. Ouais, mais ça. C'est plus de l'amour. Ça, c'est autre chose. C'est de l'échangisme. Hein. Ça se fait en foyer quand t'es plusieurs par chambre aussi. Non. Merci, Fildar. Ah. Alors, Fildar, maintenant, tu vas fermer ta gueule et je veux plus t'entendre. Manu. Oui, je voulais accueillir un auditeur. Je te préviens. Oui, ne veux pas de Monsieur Mazur. D'accord, on accueille Monsieur Mazur. Bonsoir, Monsieur Mazur. Bonne année. Bonne année, Monsieur Mazur. Bonne année. Oui, bonne année. Waza, Monsieur Gérard. Waza, Monsieur Mazur. Oui, Waza, tout le monde. J'avais bien précisé que je ne veux plus dans les débats à l'heure de l'heure. J'espère que cette nouvelle année, ce nouveau millénium, vous apportera paix, joie, amour, humour, bien évidemment, et surtout, pourquoi? Et de Mila avec lui. Mais pourquoi? Non, j'en veux pas. Mais de cool. Je n'en veux pas. Bon, bah pourquoi? Je veux pas de lui dans mes débats, c'est tout. J'avais foutu le bordel. Oh, mais merde. Sans arrêt, je l'ai dans mes débats, j'en ai marre. Putain, mais il y a d'autres auditeurs qui veulent passer. Les 24 lignes sonnent. Alors, passe-en un autre. Putain, mais c'est dingue! Un autre? Bon, juste après Monsieur Mazur, alors. Ne bougez pas, Monsieur Mazur. Non, il est hors de question! Ah, d'accord. On accueille Incassable. Bonsoir. Oui, bonsoir, Gérard. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Incassable, faut pas aller le voir. Je sens qu'on va sélectionner les auditeurs. Comme d'hab, mais on est sélectionnés. Non, non, mais parle bien du répondeur, parce que là, ça commence à m'énerver. Moi, c'est la première fois, hein, personnellement. Non, mais là, ça commence à m'énerver. On n'a plus le temps de faire une sélection par le répondeur, là, GG. Non, non, mais moi, ça commence à m'énerver. Sur les Il est une heure et demie, là, faut que t'enquilles un peu, là. Tu m'as fait une question, ça va pas. Je n'ai pas les questions, là. Allez, on y va, là. C'est pété. Tranquillement. Tu cartonnes. Dans le calme. Vas-y, ça va partir. Ils te demandent ils sont calmes, alors ils attendent. Non, non, allez, mais moi, c'est moi qui commande, d'accord? Oui, mais ils te demandent de poser une question, ils sont calmes, ils attendent. Non, non, mais c'est moi qui commande parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Maintenant, vous allez sélectionner les auditeurs par le bien du répondeur, le 01 40 521 521. Et je ne veux plus de Monsieur Mazur. D'accord, on va envoyer une CAF à le répondeur rapidement. Non, non, non, non. Ah. Elle a fait plus partie de l'équipe avec moi le jeudi. C'est tout. Alors, pensez-vous que l'on peut avoir une relation amoureuse sur le net? On va demander à Riton le Routard. En disant que sur le net, je suis pas trop pour, moi. Et tu reprendras ta voix de... Fildar, mon micro! Calme-moi. Oh non, mais merde! Eh, hey, mais j'ai rien dans mon micro! T'en moques pas de ma voix, Gérard. C'est parce que t'as beaucoup dans tes oreilles? Ouais. Peut-être que c'est tombé. Oh là là là là là là là. Ah voilà. T'as rien touché. Non, j'ai seulement allumé mon micro. Oh là là. Regarde, j'éteins mon micro. Vas-y, parle. C'est pas vrai. C'est pas possible de faire un débat comme ça. Je sens. Tu mens comme un cadavre. Tu mens comme un cadavre, Zara. Je sens qu'on va arrêter là. Oh non, non. Non, non, mais attends. Il touche à quoi là? Tu prends l'aria. Je ne veux pas de lui. Non. Je fais l'aria. Non. Il va la faire, c'est fini. Oh non, non, parce que là. Gérard, il y a une époque, tu faisais tourner l'effectif. Là, tu. Attends, il est une heure et demie, on est avec deux questions. Mais non, mais depuis tout à l'heure, ça fait une heure que tu parles de ça. Vas-y, avance. Ouais, tu fais que gueuler, là, depuis tout à l'heure, Gérard. Ah ouais, regarde, Rigou, il est là. On est monté un peu, on est 9323. Putain, tu vois, lâche pas l'affaire, c'est pas le moment. J'ai le casque du chef. Voilà. Toi, tu vas avoir le casque, tu vas fermer ta gueule maintenant. Bonsoir, je suis au standard. Bonne année, je suis là. Bonne année, Rico. Bon, qu'est-ce qu'il fait là-bas, lui? Il règle son casque, il met son casque. Voilà. Non, parce que moi, si c'est bon, bordel, je suis opérationnel, GG. Non, mais moi, c'est carré, bordel, je suis à l'arrière. Ça va aller vite, hein. Gérard, je peux tout ça faire. Ça va aller vite, hein. Non, mais tu arrêtes de t'énerver. Là, je préviens, je vais pas aller jusqu'à 4h du matin ce soir, hein. Mais c'est 3h déjà, reste calme. C'est toi qui t'es énervé. Alors, pour la dernière fois, pensez-vous que l'on peut avoir une relation amoureuse sur le net? Terminé, point final à la ligne. Riton. Ouais, Gérard. Je voudrais que tu calmes un peu parce que j'aime pas. Non, mais moi, je répète la question et c'est terminé. D'accord, bah, moi, je te réponds. Alors, on accouche. Moi, je te répondrai tout à fait calmement, Gérard, en te disant que le monde de l'Internet est pour moi un monde rempli de fausses personnalités qui prennent des personnalités d'emprunt. Mm-hmm. Et donc, pour moi, c'est un repère de faussaires, si tu veux. Et je pense pas qu'on puisse trouver l'amour dans ce genre de multimédia, je veux dire. Il a pas tort, hein. Il a pas tort. Ouais. Juliette. Bah, il a pas tort, mais néanmoins, je pense qu'on peut quand même y arriver. Si tu vois, si tu tombes sur quelqu'un d'honnête et que tu cherches vraiment, mais c'est emmerdant après pour la pénétration et surtout la pseudo par Internet, quoi. Il faut une welcome, tout ça. Ouais, non, mais déjà alors, parce que moi, je conçois pas la relation amoureuse sans le cul, donc par Internet, c'est difficile. Bon, rue Tabaga. Bah écoute, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu difficile, ça demande un investissement quand même. Bah oui. C'est pas à la portée de toutes les bourses, hein, si je peux m'exprimer ainsi, GG. Hein. Je pense que si tu limites le nombre de gens qui ont des relations amoureuses et qui copulent aux gens qui ont le net, ça fait beaucoup de puceaux dans notre pays quand même, hein. Mm-hmm. Parce que tout le monde n'a pas le net, comme tu dis. Mm-hmm. Bon, moi je pense une chose. Ouais, c'est que... Tu réponds peut-être, Gérard, quand même. Ah, attends, laisse-le. Qui? Bah, incassable. Oh non, non, je savais pas que t'étais là, toi. Non, non plus. Alors, t'appelles d'où? J'appelle de Montplazouk sur le Blues. C'est dans Bretagne, Gérard, 106.4. Bonsoir. Bonsoir. Drôle, hein. Bonsoir à tous les Moutzoukéens. Bon, tu réponds à la question? Oui, effectivement, mais je suis un petit peu d'avis de mes potes. Je pense qu'effectivement, les deux ne sont pas vraiment sérieux. Copie. Gérard. J'ai pas niveau, les Bretons. Personnel, parce que j'ai pas le net, Gérard, donc voilà. Bah Gérard, parle-lui au lieu de siffloter. Tu réponds correctement à la question. Sinon, on te oui. dire. Non, mais il a pris du mazout, lui, en Bretagne. Tu prends pas un silencieux, fais gaffe. Oh là là. J'ai pris un bonbon. J'ai pris un bonbon. C'est ça, attends, tu sais qui c'est... Non, mais j'ai répondu. Voilà, ça y est, j'ai répondu. Genre, je pense que les deux sont indéniablement liés. Voilà, tout bêtement. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Voilà, ouais. J'aurais dû faire un débat sur autre chose parce que là. Non, mais c'est bien, Gérard, mais il faudrait avancer, quoi. Non, mais attends, quand tu vois un mec, tu lui demandes. Pour lui, l'autre, vas-y. Oui, mais je réponds comme les autres. Et, on dirait qu'il s'endort. On dirait qu'il a fumé la, non, mais c'est la moquette. Que, c'est trop bien tataillé, Gérard. C'est plus que c'était, les auditeurs. Mais bon, tu vois, c'est les auditeurs de l'an 2000, un peu. Alors, Gérard, tu sais faire Chirac aussi ou pas? Toi, tu fermes ta gueule et c'est tout, d'accord? C'est bien. Et toi, GG? Donc pour moi déjà pour sur la question donc je vais répondre facilement déjà pour sur l'internet c'est pas évident parce comme c'est pour ça qu'on fait un débat parce qu'il y a une auditrice qui avait réagi qui avait appelé Max lors d'une libre antenne et qui avait voulu faire un mini débat là-dessus donc on y avait dit que sur l'internet attends c'est un mini débat là. Non, c'est un débat complet. Ah bon, ok. C'est un petit débat complet. Okay, donc l'auditrice a voulu faire un débat et donc on a voulu faire un débat là-dessus. Ouais. Donc pour elle, elle s'est fait avoir et c'est tout. Donc c'est dommage, se faire avoir. Manu, t'es bien gentil, oui, mais tu me laisses mon micro allumé. Mais il est allumé. Bien. Et ce que je mets, là, regarde. J'ai rien d'autre. C'est ce bouton-là, c'est le mien. Regarde. Hop. C'est bizarre parce que le mien il déconne un peu. Bah ouais, mais j'y peux rien. Donc elle s'était pas avoir par le bien de l'internet et donc c'est pour ça qu'elle a voulu faire un petit débat donc Et donc toi tu penses que c'est pas compatible? Bah disons pour moi non parce que en parlant comme ça par le bien de l'internet pour moi le bien de l'internet, c'est moi qui commande et puis c'est tout, tu fermes ta gueule Riton sinon je te dis au revoir. C'est pas la même voix. Hein. Ouais, vous allez vous la fermer, puis ça commence à bien faire. Bon. Ouais, c'est tout. Quelle est la question suivante? Donc, en fait, t'as fait ce débat pour répondre à l'attente d'une auditrice. Arrête de siffler, bordel, Gérard. GG. Eh, je viens de répondre, j'ai dit que sur le bien de l'internet, ça ne sert à rien. Ok, d'accord. D'accord. Et sur le mal. Merci. Et sur le mal de l'internet, c'est merde à toi. Pour continuer dans Internet, je suis en plein dedans. Il y a Yankees et Bulon, ils voulaient savoir si on peut attraper des maladies pendant les relations par Internet, à savoir les virus, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense pas. Moi, j'ai un pote qui s'est fait prendre par un cheval de Troie, c'est chaud quand même. Bon, allez, bonne nuit à toi, Alcassab, bonne nuit. Celui-là, c'est un mec de Troyes, j'aime pas trop les connards de Troyes. Ils ont des têtes bizarres. Bah ouais. Hop, terminé. Hop, sondage. Parce que je veux pas m'endormir. Il est déjà. On va faire une pause dans moins de deux. Calme-toi, Gérard, tu t'emballes. Avez-vous déjà été vraiment amoureux? Ah. Alors, 59. Fildar, tu parles un peu moins fort, s'il te plaît, merci. Pardon. Alors, avez-vous déjà été vraiment amoureux? 59% des gens disent que la question 59% est super mignonne. 34% des gens disent que l'on est déjà été, mais pendant une fête foraine. Alors là, je vois rien du tout là-dedans, quel rapport. 20% des gens pensent que l'amour, c'est pour les enculés. Je pense pas. Et 11% des gens pense que si je repose une question comme ça il me sodomise. C'est sympa. Hop, on va continuer le sondage comme ça, ça va aller vite fait. Je veux pas m'emmerder avec ça, moi non plus. Alors, deuxième sondage. Que doit-on faire pour qu'une relation amoureuse se passe bien? Alors, 73% des gens répondent qu'il faut ne jamais détacher sa copine. Ouais. 31% pensent qu'il faut toujours avoir toujours une. Hein, 31% des gens pensent qu'il faut toujours une copine de rechange. Non. 29% pensent que non. Hop. C'est quoi? 17% des gens me demandent pourquoi pas. Hop, on l'a déjà deux qu'on va supprimer. Carrément. L'amour peut-il toucher tout le monde? Alors 70% des gens disent que l'amour commence là. Ouais, bon, on verra ça plus tard. Hein, mais t'en fais aucun, GG. T'as rien fait là. T'en fais aucun. Il y en a déjà deux de faits. Hein. Bah oui, fais au moins celui-là. Tu finis le troisième. Alors, le troisième, 70% des gens disent que l'amour commence lorsqu'on touche les parties. Alors là, je vois pas du tout le rapport. 33% répondent, mais pourquoi cette question? On n'en sait rien. 23% des gens estiment que l'amour c'est pas gratuit. Pour ceux qui vont se machiner ailleurs, c'est pour payant pour eux, mais pas pour les autres. Et 18% ne me répondent rien car ils regardent Manu qui est trop beau. Bien sûr, pourquoi pas. Et voilà, donc. C'est vrai ça par contre. Hein. Gérard. Question suivante. Oui, parce que juste avant, on va accueillir un auditeur, comme ça, t'auras pas à lui reposer la question. C'est Gangster d'amour, bonsoir. Ouais, allô Gérard. Ouais. Gangster d'amour. T'appelles d'où? J'appelle de Mion, après Lyon. Fréquence 102.72. Ta fréquence correctement. 102.7 plus exactement. Alors Manu, un conseil. Je suis au téléphone, Coco. De toute manière, ça va aller vite les questions. Allez, pensez-vous que qu'une relation. Merci. Croyez-vous qu'une relation peut arriver dans notre pays? Ça sera la question et on va s'écouter Bill Bouboule avec Caresse-moi les parties intimes et on se retrouve juste après. Le SDF et son débat, c'est Gérard sur Fun Radio. Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Et voilà donc, c'était pas Big Bill, Billy Bouboule avec Caresse-moi les parties intimes. Ah bon, c'était donc quoi? C'était un remix de Sur moi et c'est tout. Voilà. Ah d'accord. Bah excuse-moi, c'est une erreur. Non, mais c'est bien. Je me suis fourvoyé dans l'erreur. Non, mais c'est pas mal. Continuer comme ça, c'est tout. Commencer l'année 2000 avec en commençant à me balancer des faux disques, et puis ça vaudra mieux, c'est d'accord. Tout. D'accord. C'est tout. Sur l'internet, on est combien quand même? Oui, on est remonté. On est 9743. Et il y a juste Raynor en parlant de relations. Il voulait savoir si on reste coincé, quel est le meilleur produit? Vaseline, huile de camion ou yaourt? Rien du tout. Ah. Comme ça va plus vite. Tu restes coincé, tu préfères? Il se démerde et puis c'est tout. C'est le cas de le dire. Voilà. Donc, on récupère Riton le Routard pour la suite et fin des relations amoureuses. Gérard, si tu me le permets, j'aimerais faire un petit coucou à nos amis. Non, il n'y a pas de coucou sur nos amis les routiers quand même. Non, mais ça y est, on les a fait tout à l'heure. On les a fait tout à l'heure. Juliette, rebonsoir. Oui, une petite pupille à nos amis les routiers. Yes. Juliette, je viens de dire pas de coucou, d'accord, merci. C'est pas un coucou, petit. Ouais, ben c'est pareil. C'est ça, là. Rutabaga. Oui, bonsoir, casse dédiée à tous les routiers. Je crois qu'il y en a qui n'ont pas compris. Une casse dédiée, c'est pas pareil. Ouais, mais. Juliette, au revoir. Issu des métiers techniques. Juliette, au revoir. Les routiers, chèque CE. Riton le Routard, au revoir. Mais non, c'est un peu genre. Allez hop, Riton le Routard, genre. Juliette, au revoir. Ah, c'est chaud de dire un routier, hein. Quand même. Je m'en fous. C'est pas très sympa. Ça m'étonne, hein. De ta part. Je veux pas le savoir. Eh ben. Déçu, Batman. Gangster. Gangster, comment? Gangster, et c'est tout. Bah non, c'est Gangster d'amour, l'escar. Ouais. Si ça te plaît pas, c'est le même prix. Manu. J'embrasse les routiers. Bonne année, Gangster d'amour. Merci, mon pote. Je commence à avoir ras-le-bol, hein, ce soir. Tiens, Gérard, excuse-moi, j'avais pris un peu d'avance, hein, je suis un peu médium. Mm. Donc on accueille Anaké, bonsoir. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde, bonsoir Manu, bonsoir Fildar. Bonsoir. T'appelles d'où? Bonsoir Anaké. De Brest. Fréquence 91.4, et bonne année tout le monde. Et on accueille Jean-Luc. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir à tous, bonsoir Gérard. Salut. Salut Jean-Luc. T'appelles d'où? Moi, j'appelle de Montfermeil. Ah, c'est pas Paris, ça. Mmh. 9.1 Collection. Bonne année, Jean-Luc. 101.9. Bonne année, excusez-moi. Bonne année. Donc, question, croyez-vous qu'une relation amoureuse peut arriver dans notre pays, donc Anaké? Oh bah oui, moi je pense que ça peut arriver dans le pays, ça peut arriver dans la ville, ça peut arriver dans la région, ça peut arriver au travail, ça peut arriver partout. C'est une voix sexy, toi. Pour faire de la radio, toi. Ouais, c'est gentil. Ok, Jean-Luc. Ouais, alors d'abord je suis très content que tu fasses un débat sur les relations amoureuses. Parce que moi, je vis depuis quelques temps une passion torride avec une jeune sexagénaire de 65 ans, qui répond au doux nom d'Yvonne. Disons que je l'ai rencontrée par le plus grand des hasards sur la chance aux chaussons. Et depuis, c'est une passion torride. Hein. Je veux dire, moi, ce que je kiffe en elle, c'est ses varices, c'est ses croûtes, ses rides. J'aime tout en elle, quoi. C'est beau, d'accord. Gangster. Bah écoute, moi aussi, je suis très content que tu fasses un débat là-dessus. Mais ta question... Tu te foudrais pas de la gueule du monde, toi, tu reprendrais pas les mêmes expressions des choses, de l'autre. Ah, la dyslexie est un mal. Gangster. Écoute, parce que ta question ne m'inspire pas vraiment, en fait. Bon, alors, bonne nuit. Ah, bonne nuit, quand même. Hein. Si mais... Hop, au revoir. Ah, faut prendre la juve à Nina. Terminé. Il est fou. Manu, c'est pas la peine de t'amuser à balancer de la musique comme ça, d'accord? Qui c'est qu'on a d'autre? Ah, deux secondes! Il y a Rita Baga, Rita Baga! Bah écoute, moi j'ai été particulièrement touché par le témoignage de l'auditeur précédent, là, qui est maqué avec une carte vermeille. Exactement, ouais. C'est l'amour, quoi, tu vois, une belle preuve de ce que peut donner l'amour, quand même. Ça permet de s'envoler des montagnes, tout ça, tu vois. Et que je n'entende pas dire que c'est pour la caillasse, hein. Non, ouais, je l'aime, c'est une passion. Ou de viager, ni quoi que ce soit entre toi et elle. Rien du tout, tout ça. Je suis animé par un amour. Du pur, du dur, du sexe, tout ça. Non, c'est beau. Non, mais moi, je pense que là, de toute manière, dans notre pays, c'est vrai que les relations amoureuses, ça dure... Ça vient, ça part. Hein, parce que des relations amoureuses, on en entend régulièrement sur l'antenne, lors des libres antennes, le soir avec Max. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, je suis avec quelqu'un, bon, il m'a plaqué. On essaye de savoir le vrai du faux. Ouais. En fin de compte, il y en a une qui dit que c'est lui qui est parti. Bon, demande à ce qu'on appelle son copain, tout ça. Son copain nous dit une autre version, donc on ne sait pas qui croire, en fin de compte. Ouais, mais GG, est-ce que tu as écouté tout à l'heure là, le témoignage, excuse-moi, je vais me permettre, des deux salopes qui sont passées à l'antenne un petit peu avant minuit? Qui s'amusait là, à draguer les mecs, rien que pour le fun, tout ça, machin. Ah non, mais c'est hier, tu veux dire? Non, là, tout à l'heure, là. Non, tout à l'heure, tu sais, la blonde et la brune, là. J'ai pas écouté, justement. Ah, t'as raté un grand moment, hein, quand même. Tu les avais devant toi. Non, mais je les ai vus, mais sans plus. Mais par contre. Toi aussi, c'est des femmes, hein. Je sais que t'as pas l'habitude d'en voir des mignonnes, mais ça aussi, c'est mais attends, j'en ai une avec moi, ça me suffit. Allez, c'est mignonne. On a dit des mignonnes. Non, mais c'était pas le cas non plus. Ah bon, ah ok, d'accord. Attendez, Manu. Non, c'est Phil Dard, mais c'est pareil, on est une équipe, merde. C'était honteux, les mecs, vous auriez dû. Bon, 5 minutes, s'il vous plaît. Merci. Phil Dard. Tu peux y aller? Oui, bah, donne-moi le nom de l'auditeur. Là. Tu me donnes l'auditeur. Tu me donnes le feu vert. Sucette, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. T'appelles d'où? Bonsoir, j'appelle de Tourcoin. Bonsoir, Sucette. Là, bonne année. Quand je vous demande. Quand je vous demande. Quand je vous demande la fraise. Quand je vous demande, vous appelez. 14.3. Voilà, c'est tout ce que je veux savoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonne année. Bonne année à tous. Bon, ça y est, les bonnes années. Les bonnes années, on s'en fout. Les bonnes années, on s'en fout maintenant. C'est la saison, bon, franchement, au mois de juillet, d'accord, on s'en fout maintenant. Oh, Rigaud, question IRC intéressante, sinon c'est pas la peine. Oui, très intéressante, une question. Avec le nombre de personnes sur l'IRC, j'espère que je veux. Ah non, ça a baissé un petit peu. Hein. Ah là là là là là là. 8742. Aïe. C'est pas mal hein, quand même. Il y a une réflexion très philosophique de Corby. Oui, ça arrive à cette heure-là, même dans cette émission. Il voulait savoir, à ton avis, est-ce qu'il faut t'aimer pour faire l'amour ou faire l'amour pour aimer? Est-ce qu'il faut t'aimer pour faire l'amour ou être aimé pour faire l'amour? Ou faire l'amour pour aimer? En principe, faut aimer la personne avec qui tu vis. Parce que si tu n'aimes pas la personne avec qui tu le vis, tu ne peux pas faire l'amour. Et aimer une personne, c'est différent. C'est pour que tu ailles du sentiment pour elle. Voilà. Voilà ce que je peux lui répondre. Je peux t'applaudir ou pas? Non. Bon, ok. Question suivante. Putain. Qui a... Oh, la claque. Voilà, bah oui, bah. C'est la claque de ma vie, là, j'ai pris, là, boum. Qui fait le premier pas, qui fait le premier pas lors d'une relation le amoureuse Le premier pas. Non, qui fait le premier pas dans la. Re... Après tant de poésie, là, c'est beau, il a bien compris. Bon. Alors, Anaké. Il est à court de stock. Anaké ou oui, Sucette, vous la fermez quand je pose une question. Ah, ok. Et les mecs, c'est pareil. Direct, pas de problème. Merci. Qui fait le premier pas dans la relation amoureuse, la fille ou le garçon? Alors pour ça, on va s'adresser à Sucette. Eh ben, ça dépend. Ça dépend si tout à l'heure, ouais, comme les deux grognasses qu'on avait à l'antenne. On s'en fout des grognasses. Non, mais, non, mais Sucette. Non, mais moi, je te pour l'instant, cite en Sucette. Je te les cite en exemple. Sucette. Oui. Pour l'instant, tu es dans les débats de Gérard. Ce qui s'est passé avant en libre antenne, ce n'est pas. Avec moi qu'il faut gérer ça. T'as pas écouté, mais je te cite deux pauvres poufias en exemple qui vont draguer des mecs et qui brisent des couples et tout ça. Mmh. Ces nanas-là, c'est clair que c'est là, c'est les filles qui font le premier pas. En général, quand c'est les mecs, ça se passe mieux. Mmh. Non, mais pour toi, qui doit faire le premier pas? Les mecs. Toi, tu dis les mecs. Ouais. D'accord. Alors, on va noter. Pour toi, Sucette, les mecs. Ah, putain, il sait écrire, c'est la première fois. Pressing, là. Avec la Rue Tabaga. Ouais, docteur Rue Tabaga. Non, il n'y a pas de docteur chez moi. Ah, bah, si. Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme. Ça perd son intérêt. Oh là là là. Bah, écoute, en général, moi, dans les relations amoureuses, ouais. Qui c'est qui fait le premier pas? Bah, écoute, moi, j'aime bien mettre au lit en premier. Parce que comme ça, je chauffe la place pour ma copine. Donc pour toi, en général, l'homme, quoi. Le mec aussi. Ouais, bah oui, aussi, ouais, si tu veux. Ouais. Ouais. Jean-Luc. Bah moi, Jean-Luc. Jean-Luc. Dans mon cas personnel, bah moi, c'est moi qui ai fait le premier pas avec Yvonne, hein, parce que bon, elle avait un peu de rhumatisme. Ça, si tu veux. Fauteuil. Donc elle a pas pu bouger. Sinon, bon, c'était la fracture du col des fémurs direct. Hein, ouais. Pas si. Bon alors, Jean-Luc, au revoir. Mais qu'est-ce qui se passe là? Jean-Luc, non, mais au revoir. Là, je t'explique. Au revoir. Attends, c'est tu me demandes si j'ai fait le premier pas ou pas. Au revoir. Okay. Merci. C'est un peu dur là. Hein. C'est un peu dur. Non mais il y a pas. Il a droit. Son amour est différent, mais non, non, non, non. Mais en parlant du col de fémur, je sais très bien ce qu'il a voulu dire. Mais terminé. Il parle pas du Tour de France. Hop, terminé. Anaké. Oui, bah moi je dirais que ça dépend de du statut du mec et de la fille en question. Si le garçon fait un travail où il est là depuis plus longtemps dans l'entreprise. Tu peux répéter parce que c'est Fildar qui a fait une connerie au standard. Ah. Ça m'aurait étonné. Ah, vraiment Fildar. Hein. Non mais. Donc je disais. Ouais. Je disais que selon moi ça dépend si le mec a une position plus importante dans l'entreprise, qu'il est là depuis plus longtemps et tout ça, et que par exemple la fille est que secrétaire ou assistante, logiquement c'est plutôt au mec de faire le premier pas. Mmh. Voilà. Donc toi, pour toi, c'est le mec. Ah bah quand oui, par exemple, s'ils travaillent ensemble et que le mec est là depuis plus longtemps et qu'il connaît mieux l'entreprise, oui, c'est le mec, oui. Ah, c'est parce qu'il gagne plus d'argent, c'est tout. Aussi. Ouais, non, mais ça, c'est qui vient de dire ça? C'est docteur Rutabaga. Ah bah ouais, c'est vrai, on a plus qu'un. Qui c'est qu'on a à la place de Jean-Luc? Bah j'attendais que tu me donnes la permission de parler. Vas-y, go. Tu peux ou pas? Bah dis. Tu peux y aller là? Bon, vas-y, parce que je veux pas. Bonsoir. On accueille Tom Jones, bonsoir. Bonsoir Tom. Monsieur Cousin. Happy New Year, Monsieur Cousin. Terminé. Lui, tu lui feras comprendre que... Il m'a dit Tom Jones. Bonne année. Et toi, hey, your fat girl, your fatty girl. Ouais, allez. Je voulais savoir si la relation entre les Doudy et Diana, tu intéresses toi. Allez, hop. Parce que lui, c'est pas la peine. Mon nom de famille, on le connaît assez sur l'antenne maintenant. Allez, hop. Fildar, allez hop, terminé. Tu me donnes l'autorisation de le virer ou pas? Allez, dehors, parce que j'en ai marre. Bon, bah, j'avais prévu le coup toujours, tu sais, je suis un peu de voyant. On a que Petit Poulet, bonsoir. Ah, allô, tranquille Gérard. Salut Petit Poulet. Salut. Voilà. Bonne année bonsoir. Petit Poulet. T'appelles d'où? Bonne année, j'appelle de Saint-Denis. Sans rapport, mais j'appelle de là-bas. 100.9. Merci, j'avais compris. Donc, ouais, tu comprends tout, toi. Qui fait le premier pas dans la relation amoureuse, la fille ou le garçon? Et avant que tu répondes, petit poulet, on va faire intervenir Rigaud. Ah, bonsoir. Ça me fait très plaisir. Bon, à part Juge de Lyon qui dit que t'auras du mal à faire le premier pas avec ta jambe en bois, justement, c'est pas très marrant. Il y a Rikoun qui est assez mal poli, qui te demande, d'après toi, quel est le meilleur moyen de créer une relation amoureuse. Non, c'est avec moi qui ai été mal poli. De toute manière, s'il a été mal poli avec toi, donc dans ces cas-là, sa question. Bonne nuit. Direct, il va se répondre pas. Il a qu'à être poli avec toi sur l'internet. Avec terminé. Petit poulet. À part ça, d'après toi, quel est le meilleur moyen pour créer une relation amoureuse? Ah non, mais, c'est pas la sienne, hein, c'est celle de quelqu'un d'autre. C'est qui alors? Non, mais il faut répondre quand même là, parce que ça fait un quart d'heure. D'après toi, pour faire une relation amoureuse, bah, faut être deux. Non, mais. Le meilleur moyen pour toi d'en créer une. Bah faut être amoureux de la nana, c'est tout. Mais comment? Bah en lui prouvant, en lui achetant des bijoux et des fleurs. Ah, il faut que t'aies de l'argent, quoi. Bah oui, bah si t'as ça. Pas d'argent, tu peux pas avoir de relation amoureuse. Bah en principe, non. Comment t'as fait, toi? Si t'as alors plein de bijoux, tu lui mets dans son cul. Sans argent, sans rien, comment t'as fait? Bah non, mais ça, avec Alexandre, on en parlera tout à l'heure. Non, c'est tout. Un gros coffre. Alors là, Fildar. Oh, pardon, excuse-moi, j'avais pas vu. Fildar, c'est terminé. J'ai pas vu, j'ai de toi. À cause de toi, le truc est arrêté, c'est terminé. Conclusion. Merci, Fildar. Mais non! Merci, Fildar. Bravo, Philippe. Excusez-moi. Merci. Non, c'est terminé, merci. Bravo, Fildar. Merci. J'avais pas vu. Terminé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a juste dit qu'il fallait une grosse malle pour un gros coffre à bijoux pour Sandy. Non, terminé. Oh non, fais pas ta tête, attends, regarde. Si. Il y a petit poulet qui attend. Non, je m'en fous. On remonte, on repasse les 9000 là. On est 9843. Il y a petit poulet qui attend là, il va être trop cuit. 9843. Voilà. On arrive à 10000 là, vas-y, GG, faut embrayer. Tu vas les faire. Toi, de toute manière, tu vas te démerder. Tu vas m'appeler Sandy en départ et tu vas t'excuser auprès d'elle en direct. Terminé. Qui fait? Petit poulet, vite. Petit poulet. Vite, ça fait une heure qu'il tourne. Bah ouais, j'étais en train de retirer là. Bon, bah écoute, ouais. Alors, tu vas retirer quelque chose, toi, dans une cage à. Je vais me retirer ta gonzesse, un bon vieux sanglier. Allez, hop, au revoir. Voilà, comme ça, c'est terminé pour toi. Alors, qui fait le premier pas dans une relation amoureuse, la fille ou le garçon? En principe, c'est le garçon. Et je peux vous dire une chose, que si c'est le garçon, faut vraiment que la fille lui plaise. Parce qu'en principe, c'est pas évident. Mais toi, elle te plaisait, ta copine, quand t'as fait le. Bah, justement, pas. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez. Achetez mon livre. Alors, aïe. Rue Tabaka. Aïe, quoi, bonsoir. Rue Tabaka, bonne nuit. Non. Bonne nuit. Si, il y avait plus que toi comme mec, alors terminé. Ah, bah, j'en ai d'autres. Non, mais. Attends, moi je suis un pro, hein, j'assume. Hein. Quoi, t'en as d'autres pour. Standard, la dernière. Je décroche, prends numéro, je rappelle direct. Non, mais. Macho Man, salut. Ouais, mais attention. Macho Man. Et Caramol, salut. Hop, c'est ça du boulot, mon con. Ouais, c'est ça du boulot, ouais. Hey, c'est ça du boulot, mon con. Macho Man. Oh, tu fermes ta gueule un peu, toi. Gérard, est-ce que je suis sur antenne? Oui, t'es sur antenne, toi. Oh non. Putain, c'est la décathlon. Oui, bonsoir, c'est Caramol, le frère de Caramel. Ok. Aïe, bide. Bon, t'enchaînes maintenant, bide, Moustache. Bide. Allez, Moustache, ouais, enchaîne. Bah, on a des points à faire. Allez, mange-toi. Pas grave. Eh, hey, Fildar, je te préviens d'une chose, que c'est pas toi qui me commande, d'accord? Alors tu fermes ta gueule le jeudi, d'accord? C'est un autodidacte. Il est 2h, donc le débat, il est clos. Non, justement... Balance le bonus, là. Justement, Gérard, sur IRC, il y a Judge de Lyon, il voulait parler des gens comme toi qui ont appris à faire l'amour sur le tas, mais il voulait savoir pourquoi t'es resté avec. Sur le tard. Sur quoi? Sur le tard, pas sur le tas. C'est d'avoir appris... Non, mais attends, parce que lui, il a manqué une lettre. Le mec de Lyon, je crois qu'il se fout un peu de ma gueule parce que j'aime pas trop les mecs comme ça. Mm-hmm. Alors, question. La dernière, parce qu'après, on va continuer la libre antenne quand même. Vas-y, déborde. 2h15 au moins, attends, t'as commencé à 2h10. Déborde. Non, mais. Alors, est-ce qu'on. Non. Déborde. Non, ça. Hop, je suis en train de chercher. Une question cul, un petit peu, là? Non. Ah bon. Peut-on avoir une relation amoureuse au travail? On va demander à Anaké. Ah, bah oui, moi je pense que tout à fait. On peut avoir des relations amoureuses dans le travail. D'ailleurs, c'est totalement mon cas puisque je sors avec un CDI de mon travail et ça se passe très très bien, sauf de temps en temps, à peu près une fois toutes les trois semaines, parce que ça peut déranger certaines personnes qu'on embrasse en public, mais c'est vrai surtout quand il y a des welcome ou des choses comme ça, parce que c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Mais pour le reste, ça se passe très très bien. Mes coéquipiers sont plutôt cool par rapport à ça. Bon, c'est vrai que du coup, de temps en temps, un certain nombre de personnes sont au courant d'un certain nombre de trucs, puisque surtout quand on fait un métier dans les médias, ce qui est mon cas, où forcément de temps en temps les gens sont en train de faire plein de trucs, puisqu'on peut en parler en public, voire devant. Bah, tu connais ça, Gérard, hein, de parler à la radio. Ouais, mais ça, moi, de manière, moi, c'est... Toi aussi, tu travailles à la radio, quand même, d'une certaine manière. Elle a pris un truc pour te chercher comme ça. Non, mais ce qu'il y a, c'est que, bon, moi, ce qui se passe avec... Ce qui se passe entre moi et la radio, c'était une chose. Bon, ce qui s'est passé avec Sandy, on en discutera tout à l'heure parce qu'on aura l'occasion de l'appeler en direct pour savoir comment qu'on s'est connus et depuis combien de temps qu'on est ensemble. Donc, non, mais elle pourra dire ce qu'elle a à dire. Elle va pas essayer, c'est qu'elle va faire le nécessaire et c'est tout. Et elle va pas s'amuser à éteindre son portable comme elle en a l'habitude. Toi, tu t'écrases parce que c'est moi qui parle et puis c'est ma femme, d'accord? Oh, exact. Donc, ça fait 3 ans qu'on est ensemble à partir de mercredi. Mmh. Ça fera 3 ans, donc pour l'instant, tout se passe bien avec elle. Ah, faut faire un truc au bateau, là. Mercredi, mardi. Mardi, et en fin de compte, on s'est connus le 1er janvier 87. Non, 97. Quelle bonne année. Non, 98, pardon. Une bonne année. Hein, bonne cuvée de boudin. Un bon premier. 3 ans de gavage, à Noël, on a du foie gras. Alors, Fildar, tu vas aller gaver ta Sophie, et puis tu vas fermer ta grande gueule maintenant. Quoi? Tu vas fermer ta grande gueule et tu vas gaver ta Sophie. D'accord? D'accord. Voilà, c'est terminé pour toi. Et je veux plus t'entendre jusqu'à la fin. Et tu ouvriras pas ta gueule, parce que tu ne feras pas de standard pour la dernière heure. Même si on déborde après 3 heures. C'est tout. Donc, t'es au courant. Donc, Sucette, Anaquette, tu voulais rajouter? Non, j'avais pas complètement terminé, parce que je voulais dire que moi, c'est un petit peu différent de toi et Sandy, parce que toi, t'es tout seul à travailler à la radio, alors que moi, je travaille à la radio, mais mon copain aussi travaille à la radio. Merci Anka. Bim. Ouais. Non mais c'est bon, Manu. Gérard, est-ce qu'elle prend le fusil, hein? Laisse-le, ça lui fait du bien. Voilà. Gérard, Sucette. La même chose, moi je peux pas quoi. Eh bien moi, ça serait difficile de rencontrer quelqu'un dans mon travail parce que j'ai pas de travail. Ah d'accord. Et t'appelles d'où toi déjà? J'appelle de Tourcoing. Et dans le Nord, y a pas de travail? Bah si, y a du travail, enfin pas beaucoup, mais moi j'en ai pas. Bah, j'ai pris l'option de pas travailler parce que ça me fatigue. Ah d'accord. Ok. C'est pour revenir sur ton sujet, c'est au pied du mur que l'on voit le mieux le maçon quand même. Bien sûr. Ouais, je pense aussi. Gérard, à la place de Anka, la pute. On accueille Gros Matos. Bonsoir Gros Matos. Allô. Ouais, bonsoir. Bonsoir, c'est Gros Matos de Troyes. Encore bonsoir. Un Troyen. Encore un dernier. Ça va? Après Gros Matos, qui c'est? Faut virer Macho Man déjà. Mais non. Ouais, bah Tony, au revoir. Oh, d'accord. Allez, c'est bon. Voilà. Je savais bien qu'il y avait Tony là-dedans. Non, mais GG, surtout, prenez le temps comme il vient, le vent comme il souffle et la femme comme elle est. Hein. Je pense. T'as pas trop le choix, toi. C'est vrai. Bon, allez. Bah, on a Caramol. Ah, excuse-moi, Rigo. On a Caramol, Sucette et Gros Matos pour le moment. Voilà. Pour le moment, hein, à mon avis. Je pars en chasse. Moi, Gérard, sur IRC, j'ai Yankee Zébulon. Il voulait te demander si tu penses qu'on peut avoir des instruments dans les relations amoureuses, comme une jambe artificielle, des trucs comme ça. Ça peut être Ça, je réponds pas du tout à des questions comme ça, tu vois. Godaclou. Excusez-moi. Vas-y Manu, je t'en prie. Je me permets de vous interrompre parce que j'ai trouvé un petit truc qui convient bien pour ce soir. Celui qui n'a pas de mémoire doit avoir des jambes. Gérard, qu'en penses-tu? Rien à foutre. D'accord. De ton truc. Un cerveau surtout. Suzette, tu t'écrases, d'accord? Ok. Parce que sinon, tu vas faire comme les autres, tu vas te fusiller, d'accord? Pas de problème, ouais. Vas-y, pose ta question. Donc, à votre avis, une relation amoureuse peut-elle se faire en boîte de nuit? Oh, bah tiens, Suzette. Caramel aussi, s'il te plaît. Une rencontre, oui, mais pas une relation. Une relation amoureuse. Parce que si vous avez écouté la libre antenne d'hier, de... Non, on n'en parle pas. On parle c'était pas débat, de ce qui on a dit. Avant. Non, mais... Chat chaud, craint l'eau froide, de toute façon. Donc, alors, pour toi? Eh ben, moi, je te dis, c'est une rencontre, oui, on peut rencontrer quelqu'un en boîte, mais une relation en boîte, c'est pas possible. Ah bah si, ça se fait. Ah bon? Bah, explique-moi comment, alors. Je t'expliquerai tout à l'heure. Gros matos. Bah, c'est-à-dire que là, la boîte, au moyen, quoi. Moi, je suis plus de l'eau vide, de la fille, là, qu'on parlait tantôt. Je pense que, si tu veux, bon, ouais, tu peux rencontrer, mais bon... Allez, Manu, viens-moi le Troyen, là. C'est clair, hein, comme on dit. Allez, hop. Bah quoi, question? Bah, il se passe que les chiens aboient, la caravane passe. Allez, hop, au revoir. Aïe, tu vas te prendre un coup de gun, toi aussi. J'ai dit bière, pas pierre. Allez, au revoir. Tu te calmes. Allez, on voit en Troyen là, allez, fusille-le, allez. Mais c'est bon, il est parti là. Allez, encore. Mais c'est bon, il est parti. Tu te calmes, t'as plus que deux auditeurs là. Caramelos. Je suis pas une machine, moi. Oui, Gérard, décorateur de voiture, oui, je réponds donc à ta question. Non, en boîte, je trouve qu'effectivement, tu peux faire de très très bonnes rencontres. Moi-même, il m'est déjà arrivé de faire d'excellentes rencontres, mais ça a pas duré, quoi. Voilà, simplement. C'est qui là? Caramelos, là, machin. Qui parle au-dessus de toi? Il y a quelqu'un avec toi? Non, je suis tout seul. Non, je dénonce, c'est les mecs de la prod. Ça. Il est pas tout seul en plus. Hein. C'est clair, mais qui trop embrasse mal étreint, de toute façon. C'est vrai. Il est pas plus drôle que les blagues. Hein. De Starsky et Hutch, de Starsky et Evelyne Leclerc, excusez-moi, il dit on n'encule pas de poules sans casser des œufs. Ah, c'est vrai. Ouais. Donc. Mais je lui répondrai, excuse-moi Gérard, les petits ruisseaux font de grandes rivières. Oh! Non mais je pense qu'on va s'arrêter là. Attends, l'astico là. C'est clair, la foi soulève les montagnes, hein, GG. Et moi, soleil en autre, pâté en croûte. Mais ouais. Je viens de dénicher deux perles là, et deux perles au niveau de l'auditeur. Tu vas pas m'arrêter le débat maintenant, d'accord? Il y a une question et on arrête. Alors t'accueilles Caca Lover et Afrobeat. Merci. Oui. Salut Gérard, c'est Caca Lover. T'appelles d'où? J'appelle de Caca City. Tu donnes ta fréquence ou je te dis au revoir? Caca 7.9. Bah, 87.9, pardon. Je m'emporte un peu trop là. Et l'autre? C'est Afrobeat, j'ai 32 ans, j'appelle de Bourson-sur-Chancre. 118.8, bonsoir tout le monde. Dans les bonnes années. Fréquence! 118.8, je viens de te dire. 118.8? Salut Afrobeat. Bonsoir tout le monde. Et donc, dernière question. Peut-on avoir une relation amoureuse lors d'un dîner aux chandelles? On va demander à Suzette. Putain, bidon cette question, mais... C'est un bon âge. Parce que nous, on avait fait des questions béton tout à l'heure avec des trucs de ouf. Il y a pas mal de gens qui sont pleins là de cette question. Ouais, bah, mais on y qui mal y pense de toute façon, donc c'est pas grave. Oh là, ouais, mais merde. Tu réponds à cette question-là et tu t'écrases, Suzette. Et surtout, tu ne remets pas à demain ce que tu peux faire le jour même. Hein. C'est comme pour les boîtes, tu peux rencontrer quelqu'un et puis l'emmener dîner, mais voilà, quoi. Tu vas pas passer ta relation entière au resto avec une nana. C'est clair, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, hein, de toute façon. Exact. Tout à fait. Non, mais c'est pas la peine de lire le bouquin, Manu, ça vaudra mieux. Pas cause de la merde, ouais, le cimetière. Bon, alors, Suzette, au revoir. Et si tu manges tes tartines aux toilettes, tu auras du pain sur la planche. Hop, c'est pas la peine de reprendre du monde, Fildar, parce qu'on arrête. Non, j'avais une auditrice en réserve, je la prends. Non, mais c'est la prends, je suis désolé. Non, mais 2h15, c'est terminé. Et alors? Allez, prends-la, mais Joker. Moi, je suis payé pour faire de l'auditeur. Allez. Bon, qu'est-ce qu'on fait, GG, là? Tu parles plus, tu dis plus rien. La top, bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais. Bonsoir Gérard. Putain. Bonsoir. On est à l'antenne? Ouais. Ouais, t'es à l'antenne. Bonsoir. Bon, vas-y, Gérard. Donc, la question, tu l'as entendue? C'est le cours Florent. Non. Comédie française. Redis-moi la question. Peut-on avoir une relation amoureuse lors d'un dîner en chandelle? Ah oui. Oh oui, oui, oui. Ah oui, on peut. Quelle bonne actrice. Calme-toi la top quand même, calme-toi un peu. Quelle bonne actrice. Laisse répondre Gérard. Hein. La pub. Bah, tu réponds correctement, je te dis bonne nuit, puis tu feras pas la conclusion. Oui. Ça se fait pas, ça se fait trop. Oh. Non mais. Ah, il a un vieux rire. La pute. Rien. Bon, allez hop, la taupe en vrai! Plateau! Allez hop! La taupe, pas la taupe. Terminé! Allez! IRC! Je peux répondre peut-être, Gérard? Non, mais après! Non, on va laisser l'auditeur répondre le temps que je dise parce qu'il y a énormément de choses. Non, mais de manière. Très intéressante, bien sûr. Bien sûr. Caramelos! Ouais, bah t'as joué avant la conversation. Avant la moi direct, je vais t'allumer. Comment? Oui, effectivement. Non, mais qu'est-ce que tu viens de dire avant? Ah non, c'était pas moi, Gérard. Mais si, c'est lui, il a dit, c'est un connard, ça se fait pas, Gérard. Vire-le, vire-le. Non, non, c'est pas vrai, Gérard. Non, ils sont jamais bon. Bim. Hop là. Ça a précédé, hein, mais. Charlie Gals. Charlie Gals, bonsoir, j'appelle de Troyes. Bonsoir, Charles. Non, non, mais j'ai jamais dit que je reprenais du. Il sélectionne que des gens de sa ville, c'est dégueulasse. Mais calme-moi. Non, non, non, allez, hop, terminé, conclusion du débat. Attends, Gérard, tu m'avais lancé, continue. L'IRC, voilà, Patsy, Patsy à l'antenne avec nous. Bonsoir Patsy. Non, non, non, bonsoir, non. Patsy. Bonsoir. Bonsoir. Bonne année Patsy. Bonsoir, bonne année à tous. Bonsoir, non, non, mais c'est bonne terminé. Année, hein. Bonne ah, Patsy, il y a 10 juillet qui te passait le bonjour. Hein. Ah. Merci, tu y passeras le bonjour aussi. Bah, tu peux le faire, tu es à l'antenne. Bisous, 10 juillet. Ouais, bah, c'est bien. Non, vite fait, il y a Yankee et Zébulon. Ils voulaient savoir si on a une relation amoureuse aux chandelles à Noël. Est-ce qu'on peut considérer qu'on bourre la dinde? Non, pas. Non. Mmh. Par contre, Noël au balcon, pas cotisons. Hein. Bon. Mmh. Bah ouais, mais ça, Gérard, c'est ce qu'on a eu cette année. Hein. Gérard, on accueille aussi Super Billy. Bonsoir, Super Billy. Ouais! Ah, moi, j'enchaîne les autres. Super Billy. Non, non, mais de manière, c'est terminé. Salut, Super Billy. Conclusion. Allô, c'est Super Billy. Salut, Super Billy. Conclusion. Salut, Gérard. On dirait un film de Max Pekka. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Tombé. Ouais, attention à l'alerte, hein, quand même. Conclusion. Ah, déjà? Ouais. Ah bon. C'était un super débat. Ouais, t'as franchement, cartonné, ouais, franchement, on a fait non, 30 pauvres questions en 1h15. C'est de la balle. C'est clair. C'est de la bombe. Mais ça, vous vous en prendrez après le standard. Après toi. Non, après toi. T'as été nul. Eh, moi, je pense que t'as fait une rencontre pitoyable. Hein. T'as été nul. T'as fait un retour pitoyable. Je sais pas. Eh ben c'est bien. Si ça vous plaît pas, bah vous avez qu'à rester chez vous. C'est tout. Reconnais que t'as été un peu nul. Là, tu t'es mis à gueuler tout de suite. Pour on est prêt à ton équipe. Ouais. Bah, t'étais vénère, là, je sais pas ce que t'avais ce soir. En plus, quand les questions sont trop longues, bah, t'es sur les nerfs. Ouais, bah, toi, tu t'écrases parce que je t'ai reconnu, d'accord, Tony? Alors, mais c'est après, pas grave. Y a ton équipe. Ton ok, Tony. Mais des questions, okay, ça peut Tony. Avoir. Non, mais Tony, tu t'écrases, d'accord? Merci. Bah, c'est bien, c'est très bien. Comme merci. Ça. Le Obled. Ouais, ben, tu restes. Mais il est au bled, Tony. Mais ouais, c'est ça. Il est en vacances. C'est ça. Et il y a pas mal de gens qui n'ont pas répondu aux conclusions, là. C'est vrai. C'est clair. Il y a Super Billy, il y a Afrobeat, il y a Patsy, il y a Charling Gals, il y a Caramol, il y a La Top qui est encore dans le coin. Monsieur Mazur. Il y a Gros Matos, Monsieur Mazur, il y a du monde, donc vas-y. Non, non, non, non, non, et Fildar, c'est pas toi qui commande, terminé. Et toi. Hop. Non, mais. Là, j'arrête terminé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Et ils sont en train de régler le son en même temps là. Ouais. Mais viens là, GG. C'est terminé. Viens là. C'est terminé, je vais en bas. C'est Max et c'est tout. Mais tu viens ici ou quoi? Il va le dire. Reviens le polar, reviens. Il est parti. Il est en train de il va encore cafeter là, putain. Oh là là, il est idiot. Rien fait. Oh là là. Il va le dire. Ça va gueuler. Bon Gérard. Oh merde, c'est quoi un petit proverbe manu pour combler hein. Si j'ai des proverbes. Bah, moi j'avais de Booba sur l'IRC, après pas de bras, pas de chocolat, voici pas de jambes, pas de yaourt. Pour être aimé, il faut aimer hein, de toute façon. Mm-hmm. Tout à fait. Okay. Ça va ? Y'a que le premier pas qui coûte hein. Le premier pas. Le premier pas, avec la jambe de bois, tout ça. Pourquoi Rigo, il range tout. Arrête avec ça parce que j'en ai marre. Ah, maintenant. Forcément. Mais qu'est-ce que tu fais, Gégé ? Pourquoi tu ranges ? Non, non, mais ça, tu mets tout ça là. Voilà. Comme ça, on contrôle. Ah oui, bah si tu veux. Ouais. T'éteins ça. Ok. Non, mais c'est bon, vas-y, c'est bon. Mais y a pas de problème, vas-y, Gégé. Hein. Alors. Tu vas me donner, Fildar, tu vas me donner la liste des gens que, avec qui on fait la conclusion, s'il te plaît. Pas de problème. Non, non, mais tu me donnes ta feuille. Ah bon? Tu me donnes ta feuille. Tiens, tu sais lire? Mon écriture. Alors. Par contre, moi, je sais plus où ils sont parce que t'as ma feuille. Hein. Ah non, mais tu te démerdes. Bon, bah, si tu veux. Déjà la taupe sur la une. J'y avais dit au revoir. Ah, non, non, je lui avais dit au revoir. Alors, tu lui dis au revoir. Je te la passe. Non, non, tu lui dis au revoir. Dis-lui au revoir. Allô, la top. Oui. Bonne nuit. T'en es où? Oui, Gérard. Non, non, terminé. J'aimerais beaucoup faire la conclusion. Allez. Alors, vas-y. Eh ben, moi, je voulais te dire que j'ai vraiment pris mon pied pendant ton débat. Que c'était un excellent débat. Que c'était vraiment très, très bien. Un débat incroyable. Mmh. Et que c'est, j'ai vraiment pris mon pied, mon cochon. Mmh, cochon. Ah, ben, c'est bien. Mmh. Au revoir. C'est qui, ça? Au revoir. Afrobeat. Bah écoute, bon débat. Moi je pense que t'aurais dû plutôt faire un débat sur l'élevage parce que t'es plus calé en élevage qu'en relation amoureuse. Au quand, je, quand j'analyse ton couple là un petit peu, vite fait. Au comme revoir ça, j'ai l'impression que ça me au revoir hein. Perso, hein, comme ça, un premier coup au là, revoir là. Je vous souhaite une bonne année. Merci. Salut le top. Pastis. Pastis là. Ah, c'est des vieux relents, hein, c'est boire. Des vieux relents. Arrête de boire. Ça te monte au cerveau. Je te jure. Moi, j'ai trouvé que c'était un débat de merde. Ouais. Mais pour un fils de puto, c'est pas trop. Alors, un fils de puto, il t'emmerde, connasse. C'est chaud, c'est chaud. Hop. Mais c'est la Caramelos. Ouais, Gérard, bah écoute. Oublie, débat. Arrête tout de suite. tu vas te griller, arrête. Toi, Billy. Déjà, Billy. Ouais, c'est moi, Billy. Attends, Caramelos. Billy. Ouais. Billy. Ouais. Au revoir. Ben non, mon pote. Au revoir. Oublie. Au revoir. Mais oublie, je vais venir te mettre à la radio sinon. Au revoir. Ça va être chaud pour moi, mon con. Au revoir. La bouche là, c'est tout. Eh, la Gérard. Au revoir. Caramelos. Ça va être chaud pour moi, mon pote. J'ai bien kiffé décorer ta bagnole avec pas de fesses de babouin. Et je passe le bonjour. Ok, la vieille dédicace. Mais il assure, c'est bien. Direct, je l'ai coupé, t'as vu? Ah ouais. Son numéro de téléphone, celui-là, je vais le donner, je vais le filer au flic. Gérard, j'ai une batte de baseball, hein. T'as raison. Non, non, mais ça va être chaud pour Watt. Je te dis coup de la carte à linge. Allez, hop, bonne nuit. Trop rouge. J'ai me vénère. Ça va être chaud. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. À base d'Athénie. Non, non, mais c'est bon, j'ai piraté la ligne. Laisse tomber. Je suis en vénère, là. Ouais, c'est ça. Il y a Charling Gals aussi. Il y a Charling Gals. Ouais, c'est ça. Deux, trois quand même. Deux, trois. Bah, moi, je trouve que c'était un débat assez court. Mais par contre, Gérard, c'est dommage que tu t'es pas assez confié sur tes relations amoureuses. J'aimerais savoir comment s'est passée ta première relation. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé aussi. Oui. La première relation que tu as eue avec Sandy, comment ça s'est passé, quel sentiment as-tu éprouvé, de la haine, de l'amour. J'aimerais en savoir plus sur ta vie. Bah, Tony, je vais te dire une chose, que tu n'en sauras pas plus, t'as qu'à écouter la suite de la Libre Antenne. Voilà. Terminé. T'en sauras pas plus, mais si t'écoutes, t'entends. Oh, ok. Je vais rester à l'écoute. Voilà. Ah. Et du rock, c'est possible ou... Bonne nuit, j'ai rien à dire. Il y a un vieil écho, mais je crois qu'il règle le son. Je crois que c'est sur tout le monde. Ah non. Je sais pas. Non, c'est, je te jure, c'est pas moi, GG, c'est à côté, il règle. Ouais. Hey, mais dis-lui. T'as rien. Bon, attends, il a pas les mains, je suis là. Non, non, elle est terminée. Alors, conclusion. Non, terminé, débat de merde. Ton micro, ton non, micro. Non, c'est terminé. Je veux pas le savoir, c'est terminé. Là, tu vous foutez de ma gueule, donc fini. Attends, voilà, j'ai vu. Ouais, voilà. Non, c'était pas. Non, il l'a fait exprès. L'as fait exprès. C'est sûr. Bon, déjà, pour dire que la deuxième partie du débat, quand on s'en a discuté un peu, ça s'est très très bien passé. T'as été très calme et je te félicite, les auditeurs aussi. Et peut-être que des fois, de mettre Manu à l'area, ça fait du bien. Non, mais il fait que des conneries. Non, non, beaucoup moins que Phil. Pour finir sur l'IRC et la cote. Oui, on est bien monté. Hein. On est arrivé, mais on est à pas 10 000. On est 9 923. Pas mal. Oh merde. Il manque pas grand monde. Non, mais c'est pas grave. Donc, les conclusions de l'IRC. Donc, conclusion de Xoni qui dit « Qui d'autre que Gérard aurait pu nous faire un aussi beau débat sur l'amour? Lui qui est capable d'aimer des tonneaux. Quelle belle preuve d'amour. » Ouais, mais ça, on en a rien à faire. Donc, il est Zébulon qui te remercie pour ton amour pour les baleines et les animaux aquatiques imposants, mais cela reste un débat de merde. Tu vois, il rejoint un peu ton idée. Pas terrible, ouais. Chuck Norris LB69, il fait un hommage à Turpentine en disant que ton débat n'avait ni queue ni tête comme toi. Eh ben, c'est bien. Dans ces cas-là, on peut se refaire une tournée de conclusion standard ou pas? Ah oui, est-ce qu'ils sont prêts? Ah vas-y, moi je suis là. Vas-y, mais standard. Non, non, mais c'est terminé. Charling Gals, bonsoir. Charling Gals, terminé. C'était vraiment un bon débat. Hein. Ouais, Patsy. Allô. C'était un débat excellent et je voudrais le refaire. Ils veulent refaire le débat, c'est possible. Voilà. Ils veulent recommencer. Est-ce qu'il y a moyen là? De quoi? Tu m'arrêtes tous les auditeurs. C'est fait. Mais ils sont arrêtés, ils sont chez eux. Allume ton micro. Ils sont chez eux, ils bougent plus. Non mais c'est terminé maintenant, c'est fini. Le débat est terminé maintenant. On met deux disques. Ils sont en manque, les gamins. C'est tout, c'est clos. Ils sont en manque. C'est terminé. Terminé maintenant, la suite de la Libre Antenne jusqu'à 3h est terminée. Au revoir. Carrément. Comme ça, tu... Voilà. C'est tout. Hop. Bah, c'est pas une bonne conclusion, ça, Gérard. Top. Il fait 1h20, les gars. Qu'est-ce que vous demandez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bah, du bonheur, quoi. Non, mais c'est... Hop, terminé. Du bonheur à l'antenne, quoi. Du bonheur à l'antenne. T'entends pas, GG. Lance des pâquerettes, putain. Non, mais maintenant, c'est terminé. C'est jusqu'à 3h, donc on va déborder. Donne de toi, je sais pas. Non, mais toi, tu fermes ta gueule et c'est tout. T'as fait de la merde au départ. Manu, t'as remplacé. Il prend des bouquins, il fait de la merde. Donc c'est terminé, c'est tout. Non, c'était bien. C'est tout, maintenant. Il donne un peu de temps. C'est tout. C'est tout. Donne ton corps. Maintenant, t'as des pièces à mon cas. C'est que vous avez fait de la merde, vous avez commencé l'année 2000 en foutant du bordel. Il oh y en a qu'un qui a bien bossé, c'est l'internet. C'est attends, mais il n'y a que l'internet qui bosse bien. Oh, donc gars, terminé. Oh. Donc tu n'as pas arrêté de te shooter, donc, basta. Dans les canards. Gérard, basta. Gérard, la deuxième partie du débat s'est bien passée. Non. Oh, j'ai écouté, c'était calme. Ah oh, si, c'était bien. T'en as pas branlé une. Non, non, non. T'en as pas branlé une, t'as pas répondu une seule question. Les auditeurs, vrai, tu leur demandais des clés. Non, mais c'est tout. T'as pas assez donné de toi. Tu chies dans les débats, tu fous la merde. C'est vrai. Non, mais faire les débats de Gérard sans toi. C'est dommage. Non, ce qui est dommage, Gérard, c'est que tu non, parce qu'il y a des sondages. S'exprimer. Parce que si j'ai pas fini les sondages, c'est que les sondages. Ils étaient bons, les sondages. Finis-les maintenant. Non, que j'ai donné non. À fil d'art. La dernière. Non, non, quelles sont les recettes pour être amoureux? Putain, il y a que du bon, là. Non, non, non, non. Mais lisez, mais lisez. Non, non, non, non. Respect pour Rigo. Non. En plus, j'en ai réimprimé, il les a même pas sortis. Non mais ça, je les lirai moi-même. Mais chez lui, c'est en privé. En privé. Non, non, non. Mais non, Rigo, il veut qu'on les lise à l'antenne. Non, non, non, non. Non, non, non, non, non. Non, c'est terminé. Le débat est clos. C'est simple. Le premier débat de l'année 2001. C'était pas mal. La première demi-heure, c'était de la merde. Après, la deuxième, je veux pas dire, mais ça a été moyen. Non. Donc c'est terminé. Maintenant, on va continuer la libre antenne avec des auditeurs. Pas, pourquoi tu lis pas les non, non, non, les non. Sondages. 66% me demandent si j'ai bien baisé hier soir. Bon, déjà, bon, bah, c'est une bonne question. C'est pas la peine de lire des trucs comme ça. Ça ne sert à rien. C'est tout. Bah, moi, je c'est tout. Pas, je ça bien. D'après vous, est-ce qu'on peut être amoureux toute la vie? Ah 87, oui, c'est bien ça. 87% disent que c'est possible entre mecs seulement. Tu vois, c'est des bonnes réponses. Arrête tes conneries, de toute manière. Si. Toi, de toute manière, est-ce que t'as déjà été amoureux une fois dans ta vie? Bah oui. Quand? En ce moment. En ce moment, depuis quand tu y es? Ah, je sais pas, moi, ça fait 2 ans. 2 ans, tiens, mon cul. Quand t'étais à Neuilly, t'avais personne dans ta vie, alors tu fermes ta gueule. Hop. Tu cours après les nanas, d'accord? Alors, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. D'accord. Donc terminé, le débat est clos. Maintenant, on met 2 disques. Non, mais GG, je sais pas. Tu veux pas faire un mini golf ou un tyrolien? Non, non. Je vais prendre un peu de vitamines et on va continuer. Allez, GG. Il y a plus de pastis. Hein. On va continuer pendant une demi-heure de libre antenne. Terminé. Un petit jeu voilà. De points, là. Donc prochain débat. Non, ça te dit pas. Prochain non, GG, sérieux. La délinquance. La vitrine. Ouais, mais quand? À tout à l'heure, dans une demi-heure. Non. T'es prêt là? Bah on verra la date. On décidera de la date et c'est. Je dirai avant parce que j'ai plein de potes qui veulent venir réagir en non, direct avec des chiens. Non mais là délinquance, je vais voir parce que je vais peut-être pas. Ouais, tu vas. Tu peux peut-être amener des mecs d'où t'habites, non? Bon alors, je crois qu'on ne fera pas du tout. Fidar, tu as fermé ta gueule. Tu peux la faire. Les 2 disques à envoyer en espérant. Ah ouais, pardon. Tu feras pas la délinquance. Je pense pas, non. Pourquoi? Oh bah, Gérard, c'est un peu bête. Si je peux me permettre. Ouais, bah peut-être pour toi, mais pour moi, c'est autre chose, d'accord? Non, mais ça peut être une sacrée soirée, quoi. Quand vous donnez des disques, ils sont là. Non, mais le premier, quand vous. Bah quand quoi, vous annoncez, c'était quoi, Billy Bouboule? Non, non, c'était pas ça, c'était un remix de Sur moi, d'accord? Non, mais là, c'est les vrais disques, c'est moi qui ai choisi, t'inquiète pas. Normal, ouais. Ces deux-là, ouais. Alors, le premier, c'est lequel? N'importe. Non, le premier, c'est le premier, voilà. Roland Lover. Non, ça c'est le deuxième qu'on va passer. Ah bon. Alors le premier, c'est Louise la Merguez avec Grigne-moi les fesses sur le barbecue. Et après, juste après, Roland Lover avec ma quéquette et en toi mon cochon. Et on se retrouve juste après pour finir la nuit 100% Gérard, en espérant qu'on aille Sandy pour savoir comment qu'on s'est connus. Voilà. À tout de suite. C'est pas toi. Ben, faut qu'elle réponde. La nuit. Non, mais faut qu'elle réponde, faut qu'elle réagisse aussi. Je voulais voilà, juste, à tout de suite. Je voulais juste modifier un truc, c'est pas la nuit 100%, c'est la nuit 2%, Gérard. Parce que ça suffit. Toi, tu fermes ta gueule et c'est tout. Ça y est, j'envoie le 10, là? Bah, tu peux, hein. Ah bon?